silure de Silo Hind à Brezonuk. Silure de retrouver Hind à Brezonuk. Eri, on se retrouve. C'est le moment de la leçon de breton. Kentel Perron, Roisek à Triugen. Roisek à Triugen, voilà. Alors, j'allais dire, il faut y passer, mais c'est même pas ça. C'est un plaisir d'apprendre le breton avec Henri. Parce que c'est pas difficile. Des petites chroniques courtes. Et la première, c'est Guerriou Arvué. Henri, on va siffler aujourd'hui ou quoi? Oui, huit élat. Ah, j'aime bien ce mot-là. Oui, huit élat, c'est le verbe huit élat. Ça m'est venu parce que l'autre jour, je parlais de la chanson de Guy Béard, L'eau vive, hein, qui était sortie en 58. J'étais en cinquième à l'époque. Le tube que tout le monde sifflait, tu m'as dit. Tout le monde sifflait ça, oui. Et ça m'a rappelé que finalement, les gens, à cette époque-là, sifflaient. On entendait dans la rue les gens siffler qui allaient au travail. À la campagne, c'était pareil. Les gens sifflaient dans les champs. Et puis, on s'est coupé le sifflet, j'ai l'impression. Maintenant, on entend très peu de gens siffloter hein, comme ça. Ronan Dizès a fait une très belle prestation la veille de la nuit de la gavotte sur scène. Il y avait une soirée cabaret à Poulaouen. Il était déguisé en clown et il siffle formidablement bien. Ah oui, oui. J'ai connu aussi quelques virtuoses. Hein. Mais quand on est musicien, c'est plus facile. Peut-être, je sais pas. Mais effectivement, j'ai connu quelques virtuoses parce que pour bien siffler, il faut siffler en expirant et en inspirant, quoi, de façon à ce que ça s'arrête pas, quoi. Et donc, j'ai connu comme ça des Huitelleriennes. Huitelleriennes, hein. Huiteller, c'est le siffleur. Et Huitelleriennes, donc au pluriel. Hein. Et j'en ai connu quelques-uns comme ça qui sifflaient très fort, on les entendait de très loin. Voilà. Donc voilà, alors ça vient, c'est bah finalement c'est le premier instrument dont on dispose avec la voix, quoi. Hein. Voilà. Et donc ça vient du mot huitel. Alors huitel, on trouve ça en gallois aussi le même mot, hein, huitel pour le sifflet. Et donc l'origine est obscure, hein, il n'y a pas de racine particulière qui explique ça. Sinon peut-être une onomatopée, le bruit, quoi. Hein. Et ça pourrait être ça, parce que le fléau, en breton, on dit « huist ». Hein? Enfin, c'est un des mots pour dire le fléau, il y a plusieurs mots. Mais « huistat », une « huistat », c'est un coup de fléau aussi. Et on entend le bruit, hein, le bruit du fléau qui s'abat, quoi. Hein? Et donc, ça pourrait être une onomatopée. Voilà. Alors, l'une des occupations donc des pâtres, c'était la fabrication des sifflets. Alors en gallo on dit subier, hein. Ouais, subier, ouais. Et donc les pâtres en pays gallo fabriquent aussi des sifflets. Donc on fabriquait des sifflets qui marchaient plus ou moins bien. C'est assez difficile d'en réussir, hein, qui ont un son correct. Donc en huitel, hein, voilà, on a tous fabriqué des sifflets comme ça. Et même, on essayait de fabriquer des pipeaux, quoi, faisant des trous dans le prolongement du sifflet, quoi. En général, ça marchait pas terrible. Mais bon, c'est comme ça qu'est née la musique, quand même. Un début à tout. Voilà. Alors, voilà. Huitel, hein. Alors, c'est un mot féminin. Donc, on va dire die Huitel, hein. Ou ter Huitel, hein. Voilà. Donc, Huitel a donné Huitel, bien sûr, hein, le verbe. Hein. Donc, le participe passé, c'est Huitlet. Hein. Voilà. Alors, on l'emploie dans beaucoup de cas. Par exemple, Huitla don ton, hein, siffler un air. Huitla d'ahi, appeler son chien en sifflant. Et le chien reconnaît le sifflet du maître. Hein. Si c'est quelqu'un d'autre, il vient pas, hein. Et alors, chacun avait sa mélodie pour appeler son chien, quoi. Comme ça, le chien reconnaît le maître. Enfin, s'il est docile, en tout cas, parce qu'il y a des chiens qui s'en fichent pas mal quand on les appelle. Hein. Voilà. Alors, de Huitel, on a fait Huiteler aussi. Hein, Huiteler nonce, le fameux lutin, là, qui ne faut pas répondre, parce que sinon, il nous joue des tas de tours... des tas de tours pendables, hein, donc Rue Taylor-Nonce. Ça, on trouve ça dans les chansons, hein. Chansons de Rue Taylor-Nonce, hein. Répondre aux siffleurs de nuit, quoi. Et puis c'est aussi un nom qu'on donne à certains oiseaux. Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'en breton, les oiseaux, on dit souvent qu'ils sifflent, plutôt qu'ils chantent en français. Oui, Rue Taylor-Nonce, c'est souvent le rossignol. C'est un néostique autrement, hein, mais il y a Rue Taylor, il y a le courlis aussi. Ah, oui. Le courlis, on l'appelle Possout, mais on l'appelle aussi Rue Taylor, hein. Rue Taylor, le courlis qu'on trouve dans les Landes, là-bas, vers Locarne. Voilà. Alors, à partir de Whittle, on a fait Whittle-Aden, hein, donc un sifflement, hein, voilà. Whittle-Aden, hein, donc on va dire Whittle-Aden, hein, le sifflement de, ou la pousse, hein, donc le sifflement de l'oiseau. Voilà. C'est un mot masculin. Non, c'est un mot féminin, et il y a un mot masculin qui est Whittle-Aden, qui veut dire la même chose. Whittle-Aden, qui est sifflant. Voilà. Alors, des sifflets, il y a toutes sortes de sifflets, hein. Whittle-Hermeschool, le sifflet du maître d'école, qui siffle la fin de la récréation. C'est, hein, le même que celui des gendarmes. C'est le même que celui des gendarmes. C'est des sifflets administratifs. Ouais, ouais. Les arbitres aussi, les sifflets à roulettes, là, hein. Voilà. Whittle-Varigen. Alors ça, c'est le robinet de la barrique, hein. Whittle-Varigen. On dit hoc aussi, hein. Voilà. Des expressions, casse de Whittlat, hein. Donc, envoyer quelqu'un siffloter, c'est-à-dire, l'envoyer paître, hein. J'aime beaucoup. Oui, casse de Whittlat. Casse maintenant de Whittlat, hein. Ouais. Je l'ai envoyé siffler, quoi. Voilà. On disait parfois avoir plat au huit latins, parce que c'était les hommes en général qui sifflaient. Donc, voilà. Alors, au féminin, ça existe aussi, au Whittle-Aden, hein. C'est une sirène. Whittle-Aden, la sirène, à la fois la personne mythique, là, avec la queue de poisson, et aussi la sirène pour les incendies, les bombardements et autres destructions. Voilà. Et c'est aussi Whittle-Aden, c'est aussi tout ce qui est sifflet de machine, par exemple les locomotives, hein. Elles sifflent plus beaucoup maintenant, mais les locaux mobiles et les locomotives sifflaient autrefois, quoi. Oh! Voilà. Bon. Eh ben, on peut qu'encourager les gens à se réapproprier le sifflement. Le sifflement, oui. Raison est en m'attendre. Eri, on reste sur les rimes. Oui, on reste sur les rimes. À quoi ça rime? Et c'est un sujet inépuisable, mais on ne l'épuisera pas, à moins qu'on épuise les auditeurs. Alors, aujourd'hui, alors j'ai pensé les rimes en « et », le son « et », à la fin des mots, puisque la rime, c'est toujours à la fin du mot. Le son « et » peut être écrit différemment en breton. Hein, soit « et » tout court, hein, « e », par un simple « e », comme dans « goudé », par exemple, ou « doué », hein. « Doué », on trouve souvent dans les cantiques, hein. C'est un personnage central, on peut dire. Et des cantiques. Des cantiques, ouais. Voilà. Alors, et ça c'est aussi traduit par « ez », quand le « z » se prononce pas, ou du moins quand ils se prononcent pas ici, parce que des fois il y a des Z qui sont prononcés ailleurs, mais nous on les prononce pas, donc ça. Comme buée, voilà. Hein, donc ça permet de les utiliser en rime. Et ben justement, hein, dans la chanson par exemple du premier de l'an. Urbarados fino pué, m'avait volonté doué. On a les deux, là, pué et doué. Hein. Voilà. Alors, donc, il y a par exemple aussi, alors, névé, justement, hein, quand on a Owen Urbla, névé, hein. Voilà. 40 aussi, hein. Autrement, bon, 40, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Par exemple, dans la chanson Vates Vian, et non, pelle de ze dier, atos di harante, matexig brezizel, gano non zade. C'est la fin de la chanson, hein. Là-bas, hein, pelle de ze drousse, hein, loin du bruit et près de ses amours, la petite bonne de Bretagne chantera nuit et jour, hein. Non zade, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, on trouve, j'ai dit par exemple Goudé, il hein, y a Adare aussi. Ah c'est tu sais cela Goudé, Wade Med Adare. Et c'est dans la Martelodiowang, hein. 7 ans après, la fille se marie, quoi. Elle a attendu jusqu'à ce que son ancien époux soit prêt de revenir. C'est pas de chance quand même. Enfin, c'est pas de chance pour le deuxième, surtout, quoi. Un autre exemple encore. Alors, bien sûr, on fait rimer les noms propres avec les noms communs. Par exemple, Mimezonti Orgemene, hein. Mimezonti Orgemene, oh. Mimezonti Orgemene, Zosa Veloamene. Hein, donc, j'ai une chanson très connue, hein. Ma maison de Gemene, hein. Mon grand-père chantait ça. À tous les mariages, à toutes les occasions. Il connaissait que deux chansons, donc... enfin, il connaissait beaucoup de cantiques, mais de chansons, il en avait toujours deux. Chacun avait la sienne, d'ailleurs. Hein. C'était comme ça dans les repas de famille, chacun avait la sienne. Donc, on évitait de chanter à la place d'un autre. Voilà. Alors, pour continuer, justement, quand on a le son EZ qui se prononce, on peut pas faire rimer avec et par exemple Guerres, hein, Guerres, la Vierge, évidemment un personnage central aussi dans les cantiques, hein. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors on va faire rimer par exemple avec Rouennes, hein, voilà, Rouennes qui veut dire reine, hein. D'autres mots en qui se prononcent comme ça, les, hein, les, c'est faire la cour, hein, très très très fréquent dans les chansons. Ça se fait moins maintenant, mais c'était très fréquent dans les chansons. Rien de tant de guige moi de les ou de ver ou nintanves. La première fois que j'ai fait la cour, c'était à la fille d'une veuve, oui, nintanves, hein, donc une, là aussi le z se prononce. C'est un texte ficelle. Oui, on peut le mettre à toutes les sauces, si je puis dire, puisque c'est des vers à 13 pieds, donc on peut faire du ficelle, du pline ou de la gavotte, à volonté, comme ça. Mais pas de l'andro, il faut l'octosyllabe, voilà. Donc, mère d'une tanveuse, et plus loin, il dit « Wakanan ou à Bordeaux-Ouest ». Alors là, c'est la prononciation ficelle, effectivement. Sinon, ici, ça marcherait pas, parce qu'on dit « Orwas » pour la rivière. Et dans la prononciation ficelle, on dit « Orwas », oui. Une qui est très connue aussi. Un nom de lieu, Montourles. Hein, Montourles qui est donc Morlaix, hein. Et donc une chanson, Pewantisken de Vontourles, tirou ptirei, traladira long là. Pewantisken de Vontourles, mi rencontras me maestres. Une chanson très très connue, c'était un tube ça aussi. Dans tous les mariages, il y avait quelqu'un qui chantait ça. Après, alors qu'il lui demande sa main, et puis, comme on dit, et puis il lui dit, comme elle se met à pleurer, il lui dit, ne pleure pas, on va aller en Normandie, hein, et ensuite à Saint-Malo, et ensuite à Saint-Brieuc, pour apprendre le français, et puis, hein, de Zandbrieuc, de Disquiergalec, hein. Et voilà. Donc, chanson très très connue. Puis c'est en plus, c'est une marche, qu'on peut jouer aussi dans les mariages. Voilà. Et dans un cantique très très célèbre aussi. Et vive et vendre les Vénès. Les Vénès, c'est la joie. C'est le même mot que liesse en français. Un peu suranné maintenant, la liesse. Hein. Oui. Et vive bévant grande les Vénès, ne ce que des hommes au warna perles. Et vite bévant grande les Vénès, ne ce que des hommes au warna perles. Et vite bévant grande les Vénès, car Jésus a gorwerhus. Ça commençait bien, sa fille. Oui, oui, alors justement, il parle. Pour être heureux, donc il n'y a pas besoin d'or et de perles. Voilà, ça c'est très beau, hein, c'est très beau. Voilà. Et il faut aimer Jésus. Oui, c'est une façon de vivre dans la joie, c'est-à-dire de ne pas s'attacher au bien, trop attaché au bien de ce monde. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Allez, on en reste là sur les rimes. On clôt cette rubrique de Brézonnect en matin pour retrouver dans quelques instants Henri Le Naou. Ce sera Petra Zonévervro. Des nouvelles du pays avec Henri Le Naou, Petra Zonévervro, Henri. Ben, calze drogues au neve, boervej diouzan. Krogom, velkis accustum granola bourdouar hag revu et war armes. Echu et bremen un nan, hag edom bremen ba 10-40 ans. Neveso, mais edom bars. La red ve, bavro, ou aler pardon de bulat de spep tout le tagouat. Aguir et bé de blanc me roise, un drasé, gouscoud et ne ce que te glem, réol, vidor vroton, ne pévegouel, pésamaud, ve, un trog, balerhel, gan, gorvante, nou, ave le vol, harné, d'urbain, sa beub sortrouel, a grand me mestrave et chou le namzor. A presti que teille un namzor, ag peer huls ma peswan, de zer hier maïs, ag betraves, ag hervé clède et ker maïs, ag, ou alors, en bavro, et kerr, maïs, bon, spimus vos bras, nomser, à quoi, moyen désert, inan, hébreol le labour, réol le bir. Bon, pévé échu, pévé mberu, ben, discarambzer, on tombe, vé mar et homiso, à gendéel, ou abé de homis, bazan, angeli, à calze dut zobé, de mesan, zobé, spenei, scande dut, bah, homis, à calze londe, zobé, guel, dénan, hag kalz e diezeg, hein, dreistol oa tiezeg, hein, hag bon un dud oa kontant de bon beut sa tro oa konkour labour oa gant ur eo oang, hag konkour treig douar, hein, hag pe haoui adre douar. Bon, setu zo bet kalz e dud ba homiz ba jean angeli. Ha ba c'hoazon ne zo bet ne veso ur salons hant veus pas o neus peus komiz braz, hein, braz ar vid komiz jean angeli, med... blanc menus que bédigora du refici et le bête. La croix une trop heb igora du refici et le putur oua ang de gade heureuse putur zo. On en cas d'une spondus en mar et mang en mara de mort, à mara de l'aise, ag trop el roas, ag bénéfine et bête chouloir en trop, ag nusgal de ministre là pour douar dont torondro n'est que de d'un détient en gotayeneuse on tombe de fébé de choule d'un trou à guébé de horon tombe trop mameuse manouak de grand entier louma du roi d'achene amzor de zone là pour douar bon n'y voit que calze dra de bromette y avait je m'en voir vu la zobé d'y vé hein avec RKB ou bah voir vu la de pardon day je vois peu ce clé dire, voir radio. A zo bet calze dud a calze diezeg. Vel be plan. Bon. Ba mur, oa ne vaisseau, vel be plan, oas. Boet très gond de l'assaut, hein. Au revoir, a zo rang, vet biozone. A gare, zo e disque calze drog d'un dud, disque calze drog. Oar, bon, pez ve gred, vid la bourre de douar nor model. Hag bon, ar oa diden d'un dut, vid gant un douar, gant un bouet bio, labour douar bio. Bon, diden d'un dut gant un bouet bio hag labour douar bio, mais gouskoudin n'y a que kaz oa rog un trou, war an dachens, pio a lar ad vije be redmond betagu gen dregan deus un douar labour d'un bio hag neus ket me tripe ber dregan c'hoaz, gansin hag gwal vouniz un trou. War dachens un endro, tostara un an un em vod bedel vo hant vod hob 21, pe hob un an war dugun, ma gar ed un brezon, hag ze vo ba fine bla, hag az vo gwell tud de skalz stad ou oton, hag ma trezen vo gret on tan men glev war skeul amzer, me ne ke zur, hein, pe dur bon, ne ke bra la katoun un tud du grand peso moyen d'or et vide gwell ad un trou. Bon, dan bon tam war dachen ur politik erez. Bon, neus ke gwell belzo, moa lar ad am, gant ba me kronik en am, oa bekavet on em glev gant an em zave arien, de la rade, rezo klask had zevel breiz. Bon, divizet oa begant ez evel o listen, evit vot adegou ur randvro, vo ba mistierzu. Hag a pen listen oa randvet Christian Troadec, mer karez. Ji oaz neus ket pa de pell en un vanni estre en em zave arien, plus dur bon un traoù zo et de dreuz vous n'y zoar. Ba nu debe, bon nu debe zo et tud hag zo en up de, enfin, zo vid le drian, a reel hag zo vid troadec, peno bras, dre vras, zo vid le drian, hag re vunu zo vid troadec, bon setu man zo reuz ban afer, bon eustrolat parti breton zo et de, mais y ve hag zo hond or o listen o nisenel, hein, gant tudel, hag eustrolat breizistan zo hond or o listen gant Gael Roblin, vo bapen. A setu man un emza verien vel o vanden a klujur, ya dreuz ker, bon e benefin, bon zezo o vej c'hoaz pe o vej ouspen vo c'hoad ur maout de Jacobine et de Mosse, de Zosur. Jacobine de Gwen, Jacobine Rup et Jacobine de ze voz un du, met Jacobine bopet. Hag de ze nem zaverien zio arno ke hinibet ba huzul. Bon. Triste un tam, ne ket un du d'un an lakad sambl zo vid ur vej. Bon. Hag bon gant ur re chom o oa de ton oale de halou pa oale remout, vo gret de promesou de retonet, hein. Hag promesou ze vo an kwa d'un de oale revotade vel kiz a custum. Bon, dan mon tam bremen war dachen zevenadur. Un de el oa ba bulat, pardon bulat, kom ze meus de ze voar, me a voar ve de lune hag pardon ve de zul. Hag, pardon, bulad, bon, zo bid ker blamb, pudur, pardon, bulad vegred, zul oa l'air gwell ganidig zo werez. Hag, ganidig zo werez ve lidet de neiz viz gwen golo. Baleskoet gwarek da skwer vegred or pardon an desem. Ba bulad vegred zul oa l'air. Hag, bon, az zo bid kalz dut. Ba pardon bulat, de zad un denonz oa ptos de bem kan edut banilis, pe dur oa ged an averne en brezandek. A gez kop zambri e galandreger oa deut, a hien sotis ki brezandek, a dis ze la ke enan de d'implijon tam pez neus disket ba hentelio brezandek. Bon, ne ke pardon bulat de nang diouz an bavro, de ba plas, ba nor bla, pe dur oa ler, verroaz pardon intre varia lojou, ma trezen peus klev de General Budet o komp de ze war er kabin, ne veso, hag ivi vezo pardon bod, ve waler, zul waler, ve pardon bod fo ba boul vriak, hag zul waler roaz, bon o nan neuze redi ouz an neuze pardon yo, ve gret ba kwan mel, ve hang ve de pardon peir. Hag pudur ve houls de zibi per de comment se plante au Guépéan. Bon, Hindel Marcel Guyouz, zo ranav mad bavro, hag arman hont de vous dino, rot prestit, peut dire zo ro etan, pe sa mode, haun de marreg narzou ker, hag lenegas, hein, chevalier des arts et des lettres. Hag bon, zezo d'un droit mérite grand temps qu'à Marcel ne laboure calz et vide diski d'un dut de canon, à Dreistol, quand on a dit quand, mais quand on a beau, j'y vais. Ag, bon, on a vraiment des RKB, puis tu aurais président d'Inor, à Hins, au Mesquerie, à Ouad de Zendien, tant tout, puis Ouad Bécrou, au RKB. À Neuslabour, au Kals, vide RKB, à Combs d'Alise, bah, RKB. Ag, bon, sais-tu, là, Rambour, aimé, nous, de Marcel Guyouz, la chance, dans de Zerl, Warila, pour, Thielen. Hunter Khan Lasso, Wahet Nanan, Scrivanier, Charles Priel. Il Hound ou Virion et ou Charles Trémel, mais de non le Scrivanier ou Charles Priel. Agahis ne se écrive qu'à ce droit ou Pésioroir, il romanche ou un temps lever ne scrive de Mesamic Bué, Agahis ou lever avait fait Bémat, Reid de tout de ré. Zotis qui l'aine à scrive en braison, puis dur et grec en braison de S de l'aine, à que braison de guillard. À que bon, sais-tu, on tombe l'ivre à zo, avait fait béma de la très d'awar, n'a zotis qui braison de. Ne ce que pelzo, ouais, tenant ou le honneur Guy Béard. Guy Béard, honneur abligé d'une calce. Jonge meus, péwa deuil, dit, il gagne ou un mais puis ouabé d'imbande il gagne ou un loviv c'est ouaban bla et ils a hunter quand dose de glam ou de huls à un balise bah paris de huls balise zo wao au piano à vie j'aime tout de grand phare de hanon mo classe que zone loviv ou un piano quoi ding dong ding dong ding dong dong dong dong dong dong dong deno. Aga tout d'un du de Huls vigé huit lasé, qu'à de Huls vigé huit et l'être calse, laboureraïen hondo labour, huit lé, aga tout d'un du de huit lasé, quoi. On dra, bon. Aga, bon, vraiment, y est de nanan, mais chombe de, à quand Noël Noël ne se grède, hein, que vais, à zo liam, quand, avait fait béma de Hermar et mon, vais le grand chambardement à tout de, bon, quand je gagne au win, on ne se bégrait d'aga, on dîne à gagner mode, bon. Hugen Vlasso, pélard in mode, il y a Hugen Vlasso, Vigé Clève, Douar Wagen ou RKB, Penad ou Combs, gagne, Yann Herveillon, Hanve de Vigé, Bibsun, Vigé, Penad, c'est. J'y vais de Montgeloire, n'est-ce que c'est? J'y vais de Montgeloire, y'a. Aga, bon, Zézo, ya babla pemzega perugen babla huizega perugen ugen lasso ag vejo radlen anze a izoué zus gwel pesamo do as clair menos you yan orveillon a pesamo de waguir peslar et radkav meus da square pesni wa begret ba mis her et de blas ugen lasso ag gonte de ze kuden ou alors pour douar de skuden ou anendro de scuder nous Chris Brace, à gaffer de nul, ma vie j'ai une bête à trame vraiment, mais fait que bisous et d'une bête. Non, non, rugue là. Arroise cal se drôle, ou Edouard, arroise à l'boué. Sais-tu? Bon, sais-tu, on tombe de ce pessonné, vébavro, ben le végel volard à l'arroise. Qu'est-ce que nous, Eri? Ya, tiens, en végel, Morgane.